Today we will continue the talk from yesterday about the hindrances. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement d'hier à propos des empêchements. Un autre empêchement au progrès de la méditation, c'est Tinamida, la somnolence et la torpeur. Tina veut dire torpeur, c'est un état d'esprit engourdi. Mida veut dire torpeur, indolence, paresse, un état d'esprit brumeux. C'est pourquoi Tinamida littéralement veut dire somnolence, torpeur, indolence. Il y aura peut-être une sensation de pression dans la tête. C'est comme si l'esprit était comprimé, rétréci. Lorsque Tinamida, la somnolence et la torpeur sont présents dans l'esprit, nous nous sentons en prison. Mahasi Sayadaw a composé un vers à ce sujet. Somnolence et torpeur, nous voilà en prison. Soyons attentifs, observons et éradiquons rapidement ces états d'esprit. Un prisonnier ne jouit pas de sa liberté. Il ne peut pas sortir comme il lui plaît. Il doit rester confiné entre les murs de la prison. Parfois, lorsque le méditant a l'impression de ne pas progresser, qu'il n'y a rien de particulier qu'il expérimente, il a l'impression qu'il n'y a aucun progrès, il est possible qu'il se sente peu enclin à poursuivre sa pratique. Il n'a pas envie de continuer à méditer. Il devient alors paresseux, tant physiquement que mentalement. Le yogi commence alors à se sentir somnolent. Lorsque ceci se produit, il faut que le yogi en prenne conscience et il doit récupérer de l'énergie, élever son niveau d'effort. S'il fournit plus d'énergie, le méditant va redevenir frais et alerte, même si pendant quelques instants il s'était assoupi à cause de la fatigue physique. Il est de nouveau plein d'énergie. Mais s'il ne fait pas cet effort et qu'il continue à somnoler, il va tomber petit à petit dans un état de léthargie, de paresse. C'est pourquoi lorsque on pratique la méditation, il faut que le yogi fournisse l'énergie virya. Le méditant devra fournir trois sortes d'énergie au cours de sa pratique. Tout d'abord, l'énergie initiale, l'énergie du départ. Ensuite, lorsqu'il sera confronté à la somnolence et à la torpeur, il devra fournir plus d'énergie dans le but de surmonter cet empêchement. Il devra se libérer de cette somnolence et de cette torpeur. Et enfin, il devra fournir une énergie constante, graduelle, qui ne faiblit pas jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du chemin. Le yogi doit donc développer une énergie mentale au début du stage. Lorsqu'il est pris par la somnolence et la torpeur, il faudra qu'il fournisse ce deuxième type d'énergie qui va lui permettre de surmonter ses états mentaux. Il devra fournir encore plus d'énergie par la suite, une énergie progressive qui va lui permettre d'atteindre le but final. S'il s'efforce de cette façon, le yogi pourra expérimenter la saveur du Dhamma. À chaque annotation, l'attention est présente et le yogi se sent heureux. Sa concentration devient particulièrement forte et les connaissances vipassana se développent. Il y a tant de dhammas qui peuvent être expérimentés, et la saveur du dhamma surpasse toutes les saveurs. En pali, il est dit « Sabarasam dhammaraso jinati ». Sabarasam veut dire « toutes les saveurs ». Dhammaraso veut dire « la saveur du dhamma ». Jinati veut dire « surpasser ». La saveur du Dhamma surpasse toutes les saveurs. Dans le monde, il est possible d'expérimenter toutes sortes de sensations agréables lorsqu'on mange, lorsqu'on boit. Lorsqu'on voit, lorsqu'on entend, il est également possible d'expérimenter toutes sortes de choses agréables. Par le contact également, on peut avoir des sensations très positives. Cependant, parmi toutes ces expériences, il n'y en a aucune qui puisse rivaliser avec l'expérience du Dhamma. La saveur du Dhamma est la meilleure. et il ne peut être expérimenté que par ceux qui pratiquent de façon ardente, sans tomber dans la somnolence. Cette saveur du Dhamma ne peut pas être expérimentée par ceux qui se laissent prendre par la paresse et qui ne pratiquent pas énergiquement. Prenons un exemple. Imaginons quelqu'un qui mange un chocolat belge et qui dit « Oh, ce chocolat est délicieux !» La personne à laquelle il s'adresse, qui n'a pas encore goûté à ce chocolat, ne pourra pas vraiment apprécier la saveur de ce chocolat. Mais si les deux personnes mangent ce chocolat, si l'un dit que le chocolat est délicieux, l'autre pourra très facilement comprendre de quoi il s'agit. Il trouve que ce chocolat est délicieux, tout comme moi, je le trouve. De la même façon, ceux qui ont médité et qui ont déjà expérimenté la saveur du Dhamma comprendront facilement ce que je veux dire lorsque je dis que la saveur du Dhamma est irremplaçable. Ils peuvent vraiment apprécier ce que je dis. La somnolence et la torpeur sont donc de véritables prisons. Ne vous laissez pas prendre par ces choses. Dans le monde, si on se retrouve en prison, ce sera très difficile de s'en extraire. De la même façon, puissiez-vous tous fournir l'effort qui est nécessaire et pratiquer l'attention de façon à ne pas être pris par Tinamida, la somnolence et la torpeur, et ne pas avoir à vous libérer de cette prison. Un autre empêchement que le méditant va rencontrer dans sa méditation, c'est Udacha Kukucha. Udacha, c'est l'agitation, Kukucha, c'est le remords. Parfois, il y aura excès d'énergie, car l'esprit s'efforce trop pour noter tout ce qui se manifeste. Le yogi va, à ce moment-là, se pose toutes sortes de questions à propos de sa pratique. Comment dois-je faire pour être attentif? Je vais essayer d'être attentif sans interruption et de noter tout ce qui se manifeste, même les objets les plus subtils. Et il pourrait encore avoir toutes sortes d'idées, comme celle-ci par exemple. Ai-je bien noté? N'ai-je pas bien noté? Quel est l'objet que j'ai raté? Y a-t-il des objets que je n'ai pas vus? La prochaine fois, je ferai plus attention de façon à ne rien rater. Et encore, j'ai fait de mon mieux, je ne peux pas faire mieux. S'il a tant de pensées dans l'esprit, s'il s'inquiète trop pour sa pratique, l'esprit du méditant va devenir agité, confus. Il va glisser à la surface des objets. Lorsqu'il y a trop de soucis à propos de la méditation, on devient incapable de noter cet état d'esprit qui se soucie, l'état d'esprit qui pense, qui fait des projets. Les objets commencent à devenir moins clairs. Les annotations sont moins bonnes. Lorsque ceci se produit, le yogi devrait se relaxer, détendre son esprit. Il devrait pratiquer en se disant qu'il n'y a aucun ego là qui puisse contrôler quoi que ce soit. Même s'il s'efforce dans la pratique, l'attention et les connaissances vipassana vont se manifester d'elles-mêmes, lorsque le moment sera venu pour cela. Donc, inutile de s'inquiéter. Laissons les choses se manifester à leur rythme. Si j'ai oublié de noter certains objets, tant pis. Le méditant doit se dire qu'il va essayer de noter simplement, de façon continue, normalement et régulièrement. S'il réussit à détendre son esprit de cette façon, l'agitation va disparaître et l'esprit va redevenir clair. Lorsque les yogis se détendent, ils peuvent voir, constater que leur esprit devient stable et paisible et la pratique redevient bonne. Kukucha, l'inquiétude ou le remords, va se manifester lorsque le yogi repense à des actions physiques et verbales qu'il a faites dans le passé et qu'il se sent coupable. « Oh, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. » Et il s'inquiète. Il se sent coupable et a des remords pour toutes ses actions négatives. C'est Kukucha. Lorsque donc Kukucha se manifeste dans l'esprit du yogi, il doit en prendre conscience de façon à le faire disparaître. Dans le monde, il n'y a aucun être humain qui n'aurait jamais fait d'erreur. Comme tout le monde le sait, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Et le Bouddha lui-même nous dit, ne ruminez pas le passé. Quant au futur, ne vous en inquiétez pas. Ne vous attachez pas au moment présent. Ceci va vous mener à la paix, ici et maintenant. Une technique pour surmonter Kukucha, c'est de noter dans l'instant présent le plus possible et de ne pas s'inquiéter à propos de la minute qui va suivre ou de l'heure qui va suivre. Restez dans l'instant présent. Lorsque Kukucha, l'inquiétude est en vous, c'est comme si vous étiez devenu un esclave. Un esclave n'a pas le droit de vivre sa vie comme il l'entend. Il est assujetti à son maître. Il n'a aucune liberté d'action, aucun droit. Le maître le possède complètement. Dans les temps anciens, un esclave n'avait aucune chance de faire quoi que ce soit. Heureusement, de nos jours, l'esclavage n'existe plus. De la même façon, lorsque l'esprit est éparpillé, il y aura toutes sortes d'inquiétudes et de regrets dans l'esprit qui ne pourra pas réaliser de progrès dans le Dhamma. Le yogi ne sera pas capable de comprendre l'essence du Dhamma et il perdra toutes ses chances de faire surgir les connaissances vipassana. Le vénérable Mahasi Sayadaw a composé une maxime à ce sujet. L'agitation et le remords, un esclavage, abandonnons-le rapidement. Donc, pour ne pas perdre vos chances de réaliser le Dhamma, d'obtenir les bénéfices de la pratique de la méditation, essayez de détruire Udaccha Kukuccha, l'agitation et le remords. Le dernier empêchement, c'est le doute sceptique, l'hésitation. Cet empêchement peut déranger le progrès dans le Dhamma, le progrès sur le chemin spirituel. On l'appelle Visikicca en pali. Visikicca veut dire doute sceptique. Le méditant peut avoir du doute à propos du Dhamma qu'il est occupé à pratiquer. Est-ce bien la vraie méthode, la bonne méthode de méditation? Le professeur est-il réellement compétent? Tous ces doutes peuvent donc pénétrer dans l'esprit lorsqu'il n'y a aucun progrès. Une personne qui est prise par le doute est comme une personne qui serait arrivée à un embranchement sur le chemin. Quelle voie choisir? Le vénérable Mahasi Sayadaw a une maxime pour cela. Le doute, deux esprits, deux chemins. Si c'est le cas, vous devez vous en débarrasser instantanément. Comment allons-nous faire pour surmonter le doute? C'est ce que nous expérimentons dans l'instant présent, à ce moment même, qui va extirper le doute de notre esprit. Imaginons que nous soyons occupés à méditer, nous notons tous les mouvements physiques comme soulèvement, abaissement, assis, toucher, en posture assise. Et lorsque l'on pratique la marche attentive, on note lever, bouger, abaisser, expérimenter une sensation de contact lorsque la jambe se repose sur le sol et tous les autres mouvements au cours de la pratique de la marche. Tout ceci va avoir pour conséquence que sati, l'attention, va se développer. Vous essayez de noter sans interruption, de façon continue, tous les objets qui se manifestent à chaque instant et votre esprit devient de plus en plus focalisé, votre samadhi, votre concentration se renforce. Les prises de conscience deviennent très claires et très distinctes. Les objets que vous observez et la conscience de ces objets vont vous apparaître comme deux phénomènes séparés et ceci sera très clair. Lorsque, pendant la marche, vous notez le processus graduel de lever, vous allez faire la différence entre le phénomène physique et la conscience de ce phénomène. Cet état d'esprit est appelé Nama Rupa Paricheda Jnana. À ce niveau de réalisation, vous découvrirez qu'il n'y a aucun ego, aucun je à l'intérieur de vous, et vous surmonterez ainsi Attaditi. À l'étape suivante, imaginons que vous soyez occupé à noter en marche. Vous verrez tout d'abord l'intention de lever le pied, ensuite l'intention d'avancer et enfin l'intention d'abaisser le pied. Ces intentions seront chaque fois suivies par le mouvement d'élévation, le mouvement d'avancement et le mouvement d'abaissement du pied. Vous devenez ainsi conscient que le mouvement d'élévation, d'avancement et d'abaissement du pied sont le résultat de l'intention. L'intention de faire ces mouvements est la cause et le mouvement lui-même est l'effet. Ensuite, vous verrez que le mouvement est la cause et que la prise de conscience est l'effet. Et la même compréhension va se manifester chaque fois que vous effectuerez un mouvement et que vous pratiquerez la méditation. Ce stade est appelé Pekaya Parigaha Jnana. Cette découverte répétée des causes et des effets va devenir de plus en plus claire. Plus vous observez, sans interruption, les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent en vous à chaque instant. Cette compréhension va vous mener à la certitude qu'il n'y a personne à l'intérieur de vous, qu'il n'y a personne derrière les phénomènes. Les phénomènes apparaissent et disparaissent selon des lois qui leur sont propres. Ils sont reliés entre eux par un lien de causalité. Ce que nous voyons d'ordinaire dans la vie de tous les jours n'est qu'une illusion. Vous poursuivez votre pratique et vous notez sans interruption. Vous allez bientôt atteindre un état de calme mental. Vous verrez alors tous les phénomènes qui apparaissent et disparaissent constamment. Vous réaliserez ainsi l'impermanence des phénomènes, anicca. Lorsque vous aurez expérimenté anicca et que cette expérience sera devenue fréquente, vous allez comprendre également dukkha, l'insatisfaction. Vous verrez également qu'il n'y a personne derrière ces processus. Il n'y a que des phénomènes physiques et mentaux qui n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître, sans personne derrière. C'est anatta. Ce stade de compréhension, ce jnana, est appelé samasana jnana. C'est le stade auquel le méditant expérimente et comprend que le Dhamma est vraiment vrai. Il n'y a plus aucun doute dans son esprit. Je vais maintenant récapituler les cinq empêchements. Kamachanda, le désir sensuel. Vyapada, le désappointement, la colère. Tinamida, la somnolence et la torpeur. Udacha Kukucha, l'agitation et l'inquiétude. Visikicha, le doute, les pensées à propos de la pratique, est-ce correct ou non? Lorsque ces empêchements sont présents dans l'esprit, l'attention n'a aucune chance de se manifester. Donc, lorsque les yogis pratiquent, si l'un ou l'autre de ces cinq empêchements vient les déranger, ce sera la même chose. Une porte ne permet qu'à une seule personne de passer. Il ne peut également y avoir dans l'esprit qu'un seul esprit à la fois. Lorsque c'est un esprit positif qui se manifeste, il n'y a de place que pour cet esprit positif. Aucun esprit négatif ne pourrait pénétrer. Et l'inverse est vrai également. Lorsque c'est un esprit négatif qui se manifeste, il n'y a de place que pour cet esprit négatif. Aucun esprit positif ne peut pénétrer. Les états d'esprit positifs et négatifs ne peuvent donc pas se manifester simultanément. Ils ne peuvent pas coexister. Donc, si c'est l'esprit qui note qui se manifeste à chaque instant, il n'y aura jamais dans l'esprit que du positif. Les états d'esprit négatifs n'apparaîtront pas. Mais la plupart du temps, lorsqu'on laisse l'esprit libre à l'état naturel, ce sont les négativités qui ont tendance à se manifester. C'est pourquoi, si vous constatez que ce sont des états d'esprit négatifs qui sont en vous, il est possible que vous verrez apparaître les empêchements. Vous devez alors immédiatement les noter pour les faire disparaître. Si l'esprit qui note est capable de surmonter les empêchements, les nivaranas, l'esprit va s'en libérer il va devenir pur et clair, c'est Citta Visuddhi. Lorsqu'il y a pureté de l'esprit, Pamoja, la joie se manifeste. Lorsque la joie se manifeste, Piti se manifeste également. Lorsque Piti se manifeste, Pasadi Kaya, la tranquillité du corps, apparaît. Lorsqu'il y a calme au niveau physique, sérénité, c'est Sukha, le bonheur, qui s'installe. Lorsqu'il y a bonheur, Samadhi, la concentration, ne peut que se développer. Lorsqu'il y a concentration, Panya, la sagesse, se manifeste, à commencer par la distinction entre l'esprit et la matière, ensuite la compréhension des causes et des effets, ensuite la pénétration de la nature impermanente, insatisfaisante et incontrôlable des phénomènes. À partir de là, nos connaissances vipassana vont progressivement mûrir et finalement nous réaliserons le noble chemin, le noble fruit, Ariyamagga, Ariyaphala, et Nibbana, la cessation de toutes les apparitions et disparitions. So, may you be able to free yourselves from the overwhelming power of the negative thoughts, the nivarana, or hindrances that disturb the meditation progress, and may you all be able to realize the true peace of mind in Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.